sont tes sentiments de barge qui te poussent à sortir tes pulsions comme un barge. Marche accompagné du mal dans la tête qui t'oblige à faire le fou et à rester malhonnête. Cette haine provient de plusieurs sentiments qui fait que tu deviens dingue et tu le restes fortement. Mais je m'en fous, on est fou et chez toi on fait le fou. Le point d'émergence c'est la souffrance, puis c'est tout. Limite autant se défouler sur un sac de frappe déchiré de partout. Coup de poing, coup de patte. Regarde, je suis un homme simple comme les autres, mais parfois on défonce la haine et on se vautre. Quoi gâcher patte, tu comprends de quoi je parle. Mais je parle de rage qui remonte les marches. Peut-être un coup de gueule événementiel dans la vie. Déception, trahison, l'injustice qui s'unit. Je suis désagréable, certes, mais c'est comme ça que je me calme. Je rappe comme un ouf pour épuiser mes larmes. Pour éviter la haine dans mon regard qui fait peur. J'ai envie de tout niquer autour de moi, j'ai pas de cœur. J'en ai plus, j'ai perdu, en tout cas je fais avec. Comme un cœur rempli d'amour qui après devient tout sec. Prenons, prenons, prenons là, t'as le quai pour niquer ce bâtard. J'ai pas chaque fois où c'est sous les autres là. Non, non, faut niquer ma. Je te jure, y'a des gens, ils savent pas ce qu'ils font. Ils jouent avec le feu, avec moi, tous ces cons. Mais bon, tu sais, un jour viendra ma vengeance. On mourra tous ensemble, causés par la violence. C'est qui ce con qui rappe, style sur le micro. C'est moi, je suis un fou et je te montre mes gros. Donc ne flippe pas et vas-y, monte ton courage. Augmente le sperme dans tes couilles par la rage et pose-les. Qu'on voit un peu de quoi tu es capable. T'es un boy comme moi, on est des oufs et c'est probable que ça le fasse clair. Comme un duel au face à face, l'un des deux va dériver et l'autre taxera sa place. Tu sais ce que je dis, c'est un truc de bargeman. La vie me rend comme ça alors je frappe et je plane. C'est ouf dans les rues quand on me voit, on m'évite. Ou alors quand je viens par derrière, il marche vite.